commencer par le début. Mon papa était américain et il s'est engagé dans l'armée américaine pour venir en 14-18 en France. Et il est arrivé ici en 1917. Il a rencontré ma mère dans un village, je ne sais pas quoi. Bon. Donc ils se sont refréquentés, ils se sont mariés, et puis ils m'ont commandé. Et ça, c'était en 1922. Et on est parti aux États-Unis, enfin l'année suivante, je crois que j'avais un an, et moi, j'ai vécu là-bas 13 ans. J'étais à l'école, tout, comme tous les enfants, jusqu'à 13 ans. Donc on est revenu en France, j'avais 13 ans. Donc je parlais l'anglais, enfin j'avais été à l'école, j'avais tout ça, je parlais l'américain évidemment, mais je ne parlais pas beaucoup le français. Mais j'ai appris très vite le français. Et j'ai fait mes études comme ça. Et j'ai passé mon brevet, enfin mes études toutes. Et puis quand la guerre est arrivée, évidemment, il y a eu la guerre de 40 qui est arrivée. Et puis les Allemands sont venus occuper la France. Et puis papa étant américain, il était surveillé par les Allemands, il fallait qu'on pointe toutes les semaines, enfin, c'était tout un cirque. Et moi, à force de voir ces Allemands, puis moi qui avais de la facilité sans doute pour apprendre les langues, parce que j'ai appris un petit peu l'espagnol, un peu de russe, mais je n'ai pas continué. Hein. Et ça vous fait rire. Et alors, comment j'allais dire, oui, alors donc... j'ai côtoyé beaucoup de jeunes soldats allemands, quoi. Et puis moi, j'ai commencé à baragouiner, puis à force de baragouiner avec eux, ben, j'ai fini par le parler. Et puis parler avec les Allemands, c'était... Ils étaient sensationnels, allemands ou pas, hein, c'est des hommes comme les autres. Hein. Alors quand j'ai eu mon brevet, mon bac, tout ça, bon, j'ai pu m'engager comme interprète par la suite. Après ça, ben évidemment, il y a eu l'occupation, la résistance dont j'ai fait partie. Je peux vous montrer les certificats. J'étais agent de liaison. Mais parlant l'allemand, l'anglais, tout ça, ça a facilité beaucoup de choses. Quand il y avait des parachutistes qui étaient anglais ou selon la nationalité, ils m'emmenaient pour interviewer, quoi. Quand ça s'est avancé, en 1950, oui, ça doit être en 50, je suis partie dans l'armée américaine, où je peux vous montrer aussi mon certificat, comme quoi j'étais interprète dans ce service militaire d'enquête. Bon, après ça, je vais vous dire que j'étais l'aînée de 11 enfants. Je partais en vacances avec 11 enfants, enfin, pas tous, 11, ça faisait 10 derrière moi. Et on partait en vacances, j'avais une petite propriété en Bourgogne. Et j'emmenais mes frères et sœurs, tous comme ça, dans cette maison. C'est là qu'on a caché beaucoup de FFI après. C'était assez isolé. Mais enfin, là, quand j'avais les petits avec moi, je ne faisais pas trop de comment dire... de résistance. On en faisait quand le capitaine avait vraiment besoin, il m'appelait, enfin, on avait des codes, et puis voilà. Ensuite, bon, ça c'est bizarre, ça va vous faire drôle, mais j'ai continué de chercher à parler les langues. Alors, il y avait des prisonniers allemands dans le coin, tout ça, et j'essayais d'aller chez les paysans pour discuter avec... pour entretenir ma langue, que je connaissais maintenant. Et par la suite, comment que j'ai connu mon mari, c'est un peu bizarre, mais enfin, j'étais dans un bal, dans les villages, c'était la mode. Puis j'ai aperçu un beau blond qui était un peu plus loin, mais enfin, je me suis dit, tiens, il y a un beau garçon, là, je ne connais pas. Enfin, bref, j'ai... demander à mes copains et copines qui étaient avec moi, vous connaissez ce jeune là-bas? Oh, il dit non, on ne connaît pas. Bon. Alors, j'ai continué de danser, je ne me suis pas occupée du jeune homme. Hein. J'avais, il m'avait fait flash, mais enfin, je l'avais trouvé beau, quoi. Alors, en plein. Dès qu'il y a eu une danse finie, il est venu m'inviter à danser. Oh. Et il dansait comme un dieu, alors. Et puis, alors, il s'est mis à me parler, mais à Baragouine, il ne parlait pas le français, hein. Moi, parlant l'allemand, ben, on s'est évidemment entendu. Hein. Mais enfin, ça en est resté là parce que j'ai dit, l'allemand, à l'époque, c'était mal vu de fréquenter même les prisonniers qui étaient là. Nous, les filles, on n'avait pas le droit d'aller hein, regarder les beaux garçons. Mais ça ne l'a pas empêché. Hein. Le lendemain, il était devant la bijouterie de mon papa, parce que papa était horloger, puis qu'il m'attendait. Mais il dit, je ne pouvais pas m'empêcher de venir pour vous voir. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir de vous promener avec moi? Oh, ben j'ai dit, non, vous vous rendez compte un petit peu, enfin, ceci, cela. Alors, quand j'ai dit à mon papa, bon, ben je te l'amène, il vient dimanche, mais ça m'embête parce que je ne sais pas si ça va te plaire. Je ne sais pas si tu vas aimer. Écoute, j'en ai pas vu d'autres, hein. C'est comme ça. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais te dire, c'est un Allemand. Alors, je ne sais pas si tu vas aimer. Papa, il me dit, mais écoute, Allemand, Anglais ou Français, si c'est un homme comme un autre, tu m'amènes ton Allemand. Et ils se sont adorés. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on s'est mariés, puis j'ai eu deux filles. Trois petits-enfants, des arrière-petits-enfants, j'ai deux filles merveilleuses, et voilà, c'est moi. Alors j'ai continué de travailler dans l'industrie, dans une entreprise qui s'appelait Mécagis, qui travaillait avec les grandes entreprises, des grandes centrales électriques, enfin bref, c'est Creusot-Loire. Et j'ai travaillé comme secrétaire trilingue là-dedans. Jusqu'à ma retraite. Puis finalement, ma fille s'est mariée, elle est venue par ici, elle a eu des enfants. Et puis, elle me disait un jour, pourquoi vous ne viendriez pas dans le sud, il fait beau, enfin si et ça. Puis finalement, comme je venais d'être en retraite, vous voyez, je suis venue par ici. Alors ça, c'était en 96. Quand ma fille était là, elle nous avait trouvé un appartement dans la tour de Gavarnie, en face du stade, la grande tour qui est là. C'est la première fois que j'habitais une tour. Et quand je montais sur le balcon, si jamais j'irais sur le balcon, j'avais une peur bleue de ce balcon. Puis on est resté ici, je me suis occupée un peu des socialistes. Enfin les, oui, moi j'étais socialiste. Alors quand lui il est décédé, j'ai pas pu, et ma fille n'a pas voulu que je reste seule à la maison. J'aurais pu y rester, hein. Ça j'en suis sûre. L'EHPAD ne me plaît pas, parce que dès le début, quand on m'a amenée là, je dis, c'est pas vrai que vous allez mettre dans une tourne pareille. Vous vous rendez compte, puis j'ai eu du mal, j'ai fait de la dépression au début. Je n'arrivais pas à m'habituer à cette ambiance, enfin bref. Mais finalement, ça fait 7 ans que j'y suis, et maintenant je m'y plais. Hein? J'ai des copines. J'ai toujours aimé Mourenx. Enfin, là, je l'ai connu, là. Mais après, quand j'ai connu un peu de monde, que j'ai allé dans les réunions, tout ça, j'aime Mourenx quand même. Je trouve que c'est une jolie petite ville. Mais enfin, j'ai fait pas mal de petites choses ici, mais pas spécialement spectaculaire, quoi. Et quand je réfléchis, je dis, c'est pas vrai, t'as 100 ans, mais qu'est-ce que t'as fait? Puis je commence à réfléchir, je dis quand même, ça fait pas mal de choses, ça.